Pour bien comprendre une œuvre antique, une tragédie grecque par exemple, et surtout lorsque la tragédie se joue presque entièrement dans la région des idées, comme l'Antigone de Sophocle, l'idéal serait de pouvoir la dépouiller de tout ce que la traduction, les manières de langage, l'antiquité des lieux et des temps offrent d'étrange, d'insolite pour un spectateur moderne. Il faudrait pouvoir supprimer de la tragédie qui est un événement humain cet exotisme, cette couleur locale dont elle est forcément revêtue puisqu'elle a plus de 2000 ans et qu'elle est née sous le soleil de Grèce, afin de ne pas entacher d'étrangeté les choses qui étaient les plus normales et les plus courantes aux yeux du spectateur grec antique, afin de restituer l'action intérieure dans sa pureté, dans son éternelle vérité. Pour conserver l'esprit d'une œuvre antique et arriver à donner au spectateur moderne un équivalent de l'impression offerte au spectateur du temps, il ne faudrait pas traduire, mais adapter. C'est un premier mérite de l'Antigone que Jean Anouilh a écrite d'après Sophocle. Les personnages nous y sont présentés non pas tels qu'ils apparaîtraient à un homme du XXe siècle, miraculeusement transporté au théâtre d'Athènes aux environs de 450 avant Jésus-Christ, mais tels qu'ils apparaissaient réellement à l'Athénien de 450, parlant le langage du pays, s'exprimant en tournure moderne, vêtu selon les cas comme l'Athénien du peuple, de l'armée ou de sang royal. Ici, au XXe siècle, Créon sera donc en smoking, Antigone et Ismène en robe longue, ce sont des princesses, et les gardes, qui sont de vulgaires policiers, en ciré noir et chapeau mou. Pourquoi en effet leur donnerait-on aux gardes, par un costume éclatant de couleurs et de cuivre, une dignité, un prestige, une hauteur qu'ils n'ont pas dans l'âme? Créon, Antigone et les gardes ne sont d'aucun temps ni d'aucun lieu, étant de tout temps et de tout lieu. Ils sont des hommes, des femmes, ils ont les costumes de leur rôle, sans recherche d'une époque ni d'un style, donc les plus courts. Ils parleront aussi de fusils, de cigarettes, de bars, toutes choses dont on entend parler au XXe siècle et qui n'ont aucune importance au fond. Ils sont vivants depuis 2400 ans. Ils jouent ce soir une fois de plus leur tragédie où Antigone va mourir. Peu leur importe le décor et les accessoires. Le chœur lui aussi s'est modifié. C'était dans la tragédie antique une quinzaine de vieillards thébains qui venaient présenter l'action et discuter parfois avec les personnages. C'est aujourd'hui dans la tragédie de Jean Anouilh un seul homme en smoking. Ce pourrait être le régisseur du théâtre ou un présentateur appointé. Sauf pourtant que lorsque la menace de mort se précisera épouvantablement sur la tête d'Antigone, il tentera d'intervenir lui aussi et de raisonner Créon. Par ailleurs, il est évident que depuis 2400 ans, les personnages ont un peu changé de manière de penser et de se comporter. Créon est un tyran sans doute comme celui de Sophocle, mais il raisonne sa tyrannie. Il justifie son besoin d'autorité. Bien plus humain que le Créon de Sophocle, il tentera de sauver Antigone. Il est homme, est tendre, est même faible au fond de lui-même, mais tyran, cruel et énergique par nécessité. Quant à Antigone, c'est bien la fille d'Édipe, orgueilleuse, inflexible, implacable et dont la seule raison de vivre est de trouver pour elle la loi la plus dure et de lui obéir jusqu'aux extrêmes conséquences. Sa loi, c'est d'enterrer le corps de son frère Polynice. Lorsque Créon l'aura persuadé qu'il n'y a aucune raison valable d'encourir la mort par cet acte, elle trouvera en elle-même d'autres raisons, parce que sa loi était de mourir. Et pourtant, elle aimait la vie, la petite Antigone. Elle aimait se lever le matin pour marcher dans la rosée de l'herbe. Mieux encore, elle était amoureuse d'Aimon, son fiancé. Elle a fait, elle aussi, des progrès depuis Sophocle. Car la fiancée d'Aimon, dans la tragédie grecque, ne murmura jamais le moindre mot d'amour. Quant au garde, il n'a pas changé, lui. Ce lui serait bien difficile. Bête, bavard, lâche, égoïste, exactement comme l'avait vu Sophocle, l'éternel brave policier. Ainsi donc, voici ce soir, sur ce théâtre de Fourvière vieux de près de 2000 ans, des personnages vieux de plus de 2000 ans, mais vivants depuis cette époque, et qui vont encore une fois jouer leur tragédie, la même tragédie. Ils sont devenus seulement un peu plus complexes, un peu plus profonds. Ils se sont fait plus proches de nous aussi par la pensée. La nuit tombe, une belle nuit de juin étoilée, et voici tout le ciel qui pèsera sur leur tête, comme dira le chœur tout à l'heure. Dans un instant, tous les personnages d'Antigone vont soudainement surgir de l'ombre. Ce sont, par ordre d'entrée en onde, le chœur Paul Etli, Antigone Catherine Toth, Ismène Marianne Hazel, Aimon Jacques Verrière, Créon Jean-David de la Comédie Française, la nourrice Charlotte Classis, le messager Claude de Milly, premier garde Beauchamp, deuxième garde Montcorbier, troisième garde Jean Silvère.

a ordonné qu'à Étéocle le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Les divers personnages et le cœur lui-même se sont effacés. Entre en scène Antigone. Sa nourrice vient à sa rencontre. D'où viens-tu ? Je me promenais, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose et vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais dans ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant. Et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sorti. J'ai été à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillée. Ah. 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte et je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se le fait comme ça tous les matins, ça serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été promener menteuse. C'est vrai, c'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était déjà le matin. Oh, c'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi et pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Oh, c'est du joliard et du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Toi, toujours à tatifer devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à se contremarquer. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal coiffée. Les garçons verront qu'ils mènent avec ses bouclettes et ses rubans, ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou, hein, peut-être, un garçon qui ne peut pas dire à sa famille, voilà, c'est lui que j'aime, je vais l'épouser, c'est ça, hein, c'est ça. Répondons sans parole. Oh oui, nourrice. Et elle dit oui. Miséricorde. Je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'entrais une honnête fille, et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma fille. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête, bon. Mais ton oncle Créon saura, je te le promets. Oh oui, nourrice, mon oncle Créon saura, mais laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et ton fiancé, car elle est fiancée à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse, ça voudrait qu'on ne dise rien. Sais-tu ce que je devrais faire? Te battre, comme lorsque tu étais petit. Mais tu ne devrais pas trop crier ce matin, tu ne devrais pas être trop méchant. Pas crier, je ne devrais pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère, qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma fille. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil, et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira à ta mère là-haut quand j'y monterai. Et moi, j'aurais honte. Honte à en mourir s'il n'était pas déjà mort. Je ne pourrais que baisser la tête et lui répondre. Madame Jocasse, c'est vrai. Mais ne pleure plus, nounou. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira, bonjour, nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, nounou. Tu te moques de moi, alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère.

Tu sais, Douce, ma chienne. Oui. Il faut me promettre que tu n'agronderas plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas entrer dans les maisons. Même si elle salit tout, promet, nourrice, je le veux. Alors il faudra que je la laisse abîmer tout sans rien dire. Oui. À ce trait un peu fort. Oh, s'il te plaît, nounou. Tu l'aimes bien, Douce, avec sa bonne grosse tête. Et puis tu aimes bien frotter aussi. Tu serais très malheureux si tout restait propre toujours. Alors je te le demande, ne la gronde pas. Ne la gronde plus jamais. Et si elle pisse sur mes tapis? Oh, promets tout de même que tu ne la gronderas pas. Oh, je t'en prie, dis, je t'en supplie, nounou. Il faut me le promettre. Tu profites de ce que tu câlines. C'est bon, promets, promets. On essuiera sans rien dire. Tu me fais tourner à bourrique. Et puis, promets-moi aussi que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. Il faut me le promettre. A-t-on vu ça parler aux bêtes? Justement, pas comme à une bête. Comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ah, ça non! À mon âge, faire l'idiot. Mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi, cette bête? Dis-moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler, pourquoi? Et puis, si elle était trop triste, si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte comme lorsque je suis sortie, il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, nounou, sans qu'elle ait mal. La faire tuer, ma mignonne? Faire tuer ta chienne? Mais tu es folle ce matin! Non, nounou. Oh, voilà, Aimon, laisse-nous nourrir, et surtout n'oublie pas que tu m'as juré. Pardon, Aimon, pardon pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Oh, je te prie de me pardonner. Je sais bien que je t'avais pardonné, à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là, et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé, ce parfum? À Ismène. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te dirai. Oh, mon chéri, comme j'étais bête. Tout un soir gaspillé. Un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur. Écoutez-moi. Oui. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Et serre-moi fort, plus fort que tu ne m'as jamais serré. Oh, que toute ta force imprime dans moi. Là, de toute ma force. Oh, c'est bon. Écoutez-moi. Oui. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux en oui, rêve. Oui, Antigone. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Oh, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon, Aimon. Il aurait une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Oh, tu le crois, n'est-ce pas, toi? Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais une vraie femme? Mais j'ai une vraie femme. Oh, tu m'aimais, Aimon. Tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. Quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé, jeune fille. Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé au fond de toi, même une seule fois, que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Idiot! Oh, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oh oui, Antigone. Je t'aime comme une femme. Oh, je suis petite et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone. Oh, je suis toute rouge de honte, mais il faut que je le sache ce matin. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Moi, je sens comme ça. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si cela te paraît extraordinaire, même si cela te fait de la peine. Oh, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder,

Je suis engagé volontaire aux trois citations. Je suis bien noté chez moi sur service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle, de quoi tu peux. Régulièrement, ça réduit de la première classe. Moi, je suis proposé de première classe, mais je ne suis pas encore promu. Je devais être promu. Mais vas-tu parler, enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là à ta place. Parle, puisque tu es là. Eh bien, voilà, chef, le cadavre. On a payé pourtant. On avait la relève de 2 heures. La plus dure, vous savez ce que c'est, chef. Au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes les ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les trois qu'on ne dormait pas, d'ailleurs. Avec le froid qu'il faisait, tu le commences, regarde le cadavre, on est à 2 pas et moi. Je le regardais de temps en temps tout de même, je suis comme ça moi chef, je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs disent toujours, avec Jonas, c'est moi qui l'ai vu le premier chef, les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné le premier de l'alarme. L'alarme, pourquoi? Mais le cadavre chef, Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand chose, il n'avait pas eu le temps, avec nous autres à compter seulement un peu de terre, mais assez tout de même. Pour le cacher au retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Oh non, chef, on a d'abord respiré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde du rentre de plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Un enfant! Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer et sa petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils un précieux sang bien frais sur mes mains double aubaine. Mais ils sont des complices et dans ma garde peut-être. Écoute bien à toi. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Durant cet assis une demi-heure, parce qu'il avait mal aux pieds. Mais moi, je suis resté tout le temps debout. Le premier casse vous le dira. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. Un toutu tiré au sort et je suis venu. Écoute bien. Votre garde est doublée et renvoyée leur lève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre, et pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence, de toute façon, vous serez puni. Et si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Paulinis, vous mourrez tous les trois. On n'a rien dit, chef, je vous jure. Mais moi j'étais ici, et peut-être que les autres, ils ont déjà dit à leur lèvre. Chef, j'ai 2 enfants, il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici avec vous, j'ai un témoin. Je suis à parler, ça sera les autres, ça ne sera pas moi. J'ai un témoin. Va vite! Personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Viens, petit. Il faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Et puis la jolie besogne commencera. Pour moi. Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Eh oui, bien sûr, tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant. Créon sort accompagné de son petit page, entre le cœur. Maintenant, le ressort est bandé. Ça n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que ça démarre. Rien

J'en ai arrêté une autre de folle l'autre jour. Et montré son cul aux gens. Adi, Boudouce, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton tous les trois pour fêter ça? C'est la tordue. Il est bon, son rouge. Oui, on a carté les dimanche si on emmenait les femmes. Non, entre nous, qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires. Et puis les moutards qui veulent pisser. Adi, Boudouce, tout à l'heure, on ne croyait pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres. Ils vont peut-être nous donner une récompense. Ça se peut si c'est important. Blanchard de la 3e. Quand il a mis la main sur l'incendiaire le mois dernier, il a eu le mois double. Oh, dis donc ! Si on a le mois double, je propose, au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais arabe. Pour boire ? C'est pas fou de te vendre la bouteille le double au palais. Pour monter, d'accord, écoutez-moi, je vais vous dire. On va d'abord chez la tordue. On se décale comme il faut et... Après, on va au palais. Hé, Boudouce, tu te rappelles la grosse du palais? Oh, ce que t'étais fou, toi, ce jour-là! Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront. Oui. Si ça se trouve, on sera peut-être publiquement félicités. Alors, on verra. La rigolade, c'est autre chose. Il y a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations. Les femmes viendront aussi, et les gosses, alors on ira tous chez la tordue. Ah oui, mais il faudra lui commander le menu d'avant. Oui. Je voudrais bien m'asseoir un peu, s'il vous plaît. C'est bon, qu'elle s'asseye. Mais ne la lâchez pas, vous autres. Gardez-vous. Entre Créon avec son page. Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a rappelé la relève, chef. Je t'avais dit de renvoyer, je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne cette fois. On n'a pas tiré au sort, on a préféré venir tous les trois. Imbécile. Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Ce qu'elle faisait, chef. Mais c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre autour avec ses mains. Elle essayait de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, mais moi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait... Comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais, à midi, en plein soleil, et puis, avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. Je voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chique pour passer ça, le temps que je me la cale à la joue, chef. Tant de dire merci, je me retourne, elle était là, à gratter avec ses mains, en plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Non, elle a continué, comme si de rien n'était. Et quand je l'ai attrapée, elle se débattait comme une diable, elle se le voulait continuer encore. Elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a redécouvert le corps comme de juste, et puis on a passé la consigne à la relève, sans parler de rien. Et on est venu pour l'amener, chef, voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Poligny. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour ça que je l'avais laissé près de lui. Mais ils l'ont pris. Alors la deuxième fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade dit. Mais non, c'est une bête. Penses-tu, je lui dis. C'est trop fin pour une bête, c'est une fille. Bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Conduis ces hommes à côté, petit. Qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il lui remettre les menottes, chef? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. On est bien sûr. Oui. Alors écoute. Tu vas rentrer chez toi, te coucher.

peur. Non, règle tout ça. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'ils devaient me voir nu et me toucher quand je serais morte. Mais seulement... pardon. Alors je règle la fin, je mets pardon à la place. Oui. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Entre les autres gardes. C'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Allez, allez, pas d'histoire! Antigone va se remettre en leurs mains. Maintenant, le tour de Créon approche. La reine! Où est la reine? Je lui veux-tu? Une terrible idée! Tu vas lui apprendre. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler le dernier bloc de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la belle Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou, enlevez les pierres, enlevez les pierres! Et les esclaves se ruent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi Sion dont les mains saignent. Les blocs bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et moi, genou qui la tient dans ses bras, et gémit le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et crie, on ne peut pas descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Soudain, elle se dresse les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père une minute, sans rien dire. Et tout à coup, lui crache au visage et tire son épée. Crée, on va bondir de portée. Alors Aimon regarde ce vieil homme, tremblant, à l'autre bout de la caverne. Et, sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre. Et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense plaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre, ce grand prince. Entre Créon avec son petit page. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants au lendemain de leur première nuit. Ils ont fini, eux. Pas toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots.

quelques renseignements. Non, non, non. Vous avez entendu Antigone, tragédie de Jean Anouilh d'après Sophocle, mise en scène d'André Barsac, jouée au théâtre romain de Fourvière à Lyon avec la distribution suivante, par ordre d'entrée en onde. Le chœur, Paul Etli, Antigone, Catherine Tott, Ismène, Marianne Assel, Aymon, Jacques Verrière, Créon, Jean-David de la Comédie Française, La Nourrice, Charlotte Classis, Le Messager, Claude Demilly, Premier Garde, Beauchamp, Deuxième Garde, Montcorbier, Troisième Garde, Jean Silvert. Prise de son théâtre, Jean Bay.